Que toute la gloire te revienne. Merci d'accueillir ton peuple devant ton trône. Alléluia. Alléluia. Parfum qui nous rend fous. Alléluia. Alléluia. C'est beau. puissant de tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh, tu remplis les cieux, Adonai. Oh, Alléluia. La terre ne peut te contenir. Les cieux et les cieux ne peuvent te contenir. Amen. Tout ce qui appartient, tu ne sens rien de notre amour. Tu tiens la terre pour les femmes dans ta main. Yesu, Zelape, Yesu, Solo, Mokangu, les amis.